YSYA Architect de Zitch Check Et boy se place, ma commence. Ça se passe du son qui bouge, hélas. Faites le son dans la carasse. Efficace sur la piste, dédicace à la masse qui s'agite à mes hauts. Toujours la classe, ya. Perspicace, le rap des atomes s'est enfui. En fuite, sous cuite, il vient brûler ton ampli. Alors si tu veux pas rentrer sans fil, attrape une biache dans le coin pour calmer tes envies. Pour les ladies en string ficelle, jouant les belles, s'étonne car les mecs les assèlent. Gazelle, joue pas la rebelle ni ton modèle. Crache ton fontaine ou me laisse avec mon cocktail. Rien à foutre de ces biaches, j'ai pas besoin d'elles. Qu'elles soient belles ou poids, je reste un mec fidèle. Tout ce qu'il faut c'est que tu pousses des décibels sur lesquels N2S reste immortel. C'est pas de la dope ni du hip hop de terre. On court après la médaille d'or comme un athlète. Y'a tout type, architecte des zics, original, loin d'être basique. Tout type, laisse-nous faire ce qu'on aime, laisse-nous faire notre musique. Dans la street, on tabasse, tu crois pas, on tabasse. Juste un mic et une basse, c'est tout ce qu'il nous faut. Pour te montrer ce qu'on vaut, te montrer qu'on a les crocs et qu'on mâche pas nos mots. Mais quand la nuit tombe, que les corbeaux sortent de leur nid, on sort, on rôde, même le plus ouf pleurniche. Pas du hip hop, de dev, vas-y balance la galette. On arrive comme des princes, comme Blow à la Johnny Depp. Laisse-moi faire ma musique, elle passe dans tes oreilles. Ce beat sera un classique, y'a jamais rien eu de pareil. Alors lève ton verre et trinque avec des rots. Et verse quelques gouttes pour ceux qui sont partis trop tôt. La première marche du podium, elle est pour nous. On réussira notre bise, on sort de notre trou. Si tu te demandes d'où vient notre inspiration, réécoute nos sons avec une feuille et un pilon. C'est pas de la dope ni du hip hop de terre. On court après la médaille d'or comme un athlète. Y'a tout type, architecte des cycles, original, loin d'être basique. Tout type, laisse-nous faire ce qu'on aime, laisse-nous faire notre musique. 9 sur l'échelle des Richter. On m'appelle super pauvre pour que les riches perdent. Pendant que certains enterrent la hache de guerre, d'autres font pousser du hache sur leur terre-mère. Méditerranée, là où je veux vivre toute l'année. Pas de business, des cams, juste de quoi planer. Dans mon fun, pas de puce au code erroné. Ça joue déjà les rois avant même d'être couronné. Lucide, acide, avec tout dit, on t'assassine. Que des numéros de bitch dans nos cartes sim. Hey garçon, fais péter les garcis avant que les gars se débarquent d'une autre galaxie. Comme du galax, je te scie avec ou sans merci. Je te fais des trous dans la langue avec un piercing. On veut percer sans se faire percer le boule. Boîte sur eux, même le Titanic coule. C'est pas de la dope ni du hip hop de terre. On court après la médaille d'or comme un athlète. Y'a tout architecte des cycles, original, loin d'être basique. Tout laisse-nous faire ce qu'on aime, laisse-nous faire notre musique. C'est pas de la dope ni du hip hop de terre. On court après la médaille d'or comme un athlète. Y'a tout type, architecte des cycles, original, loin d'être basique. Tout type, laisse-nous faire ce qu'on aime, laisse-nous faire notre musique.